43. Le galant tireur. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre-là, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun? Et il offrit galamment la main à sa chair, délicieuse et exécrable flamme, à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir, tant de douleur, et peut-être aussi une grande partie de son génie. Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé. L'une d'elles s'enfonça même dans le plafond. Et comme la charmante créature riait follement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle et lui dit « Observez cette poupée là-bas, à droite, qui porte le nez en l'air et qui a la mine si hautaine. Eh bien, cher ange, je me figure que c'est vous. » Il ferma les yeux et lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée. Alors, s'inclinant vers sa chair, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta « Ah, mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse !»